disfrute donde te das. Luz de toi sur le monde, si en la maison de mon père, la belle cité d'amour. Du Jourdain dans l'au-delà, nous fêtons sur le monde, sillons la maison de mon père, la belle cité d'amour. Comme une tige près des eaux, je serai bien rafraîchi, près des roseaux, je contemple l'harmonieuse communion entre les animaux. Tous nous serrons vêtus d'un fanal, quand nous chantons des rangs et vétérans. Hors du Jourdain dans l'au-delà, nous fêtons sur le monde, sillons la maison de mon père, la belle cité d'amour. Hors du Jourdain dans l'au-delà, fêtons sur le monde, sillons la maison de mon père, la belle cité d'amour. Contemplant son visage, nous chantons paisiblement. D'un petit vent si léger au petit chant bien connu qui a pour thème l'amour. D'un petit rythme ambiancé pour les âmes disposées et au cœur soulagé. Hors du Jourdain dans l'au-delà, fêtons sur le monde, sillons la maison de mon père, la belle cité d'amour. Hors du Jourdain dans l'au-delà, nous fêtons sur le monde, sillons la maison de mon père, la belle cité d'amour. Centimètre par centimètre, retrouvant ceux qui nous ont précédés, et ça sera un nouveau jour. Retrouvant ceux qui nous ont précédés, ça sera un nouveau jour. Hors du Jourdain dans l'au-delà, nous fêtons sur le monde, sillons la maison de mon père, la belle la versite d'amour, oh du jour.